Tarihu. Eric Ouimana assure la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord le sommaire. Les activités de pêche ont continué dans le lac Tanganyika malgré la mesure de suspension qui allait débuter ce lundi 15 mai. Moïse Misago et Jean-Pierre Misago nous conduiront aux plages de pêche de Kajaga et Rumonge. Le ministre ayant chargé l'intérieur met en garde les commerçants spéculateurs des produits Braloudi. Des sanctions sévères seront prises à leur égard, vous l'entendrez. Le président de la CSB, Confédération des syndicats du Burundi, demande que l'âge de la retraite soit maintenu à 65 ans, pas 60. Il plaide pour une bonne mise en exécution de la promesse du chef de l'État pour les retraités. En page sécurité, on vous parlera d'un prisonnier qui a été tué par ses co-détenus à la prison centrale de Gitega et à Bujumbura. Un homme a été tué par sa femme dans le quartier Milango 2, en zone urbaine de Kamenge. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les activités de pêche ont continué ce lundi sur le port de la plage de Rumonge malgré l'interdiction de l'autorité du lac Tanganyika. Les pêcheurs de Rumonge disent qu'il n'y a pas encore de correspondance officielle sur une probable suspension. L'autorité du lac Tanganyika a pourtant décidé de suspendre les activités de pêche pendant 3 mois à compter de ce lundi 15 mai. Les pêcheurs et les vendeurs de poissons continuent de réclamer plutôt la suspension de cette mesure. Jean-Pierre Misago nous en dit plus. Nous sommes à la plage de pêche de Rumonge. Il est 9h du matin de ce 15 mai 2023. Nous y rencontrons les pêcheurs qui ont passé la nuit du 14 au 15 mai 2023 dans le lac Tanganyika en train de faire la pêche. Même si c'est la date fixée par l'autorité du lac Tanganyika comme le début de la fermeture du lac Tanganyika pour 3 mois, ces pêcheurs déclarent que les activités de pêche continuent comme à l'accoutumée. Ceux interrogés disent qu'ils n'ont pas encore eu de décision écrite émanant d'une autorité compétente qui viendrait leur expliquer les fondements de cette mesure et les modalités de sa mise en application. Par ailleurs, même si cette décision écrite venait à tomber, ceux qui vivent de la pêche demandent à l'autorité du lac Tanganyika de s'asseoir sur cette mesure pour ne pas mettre en danger leur vie. Au niveau de la police de Rumonge, leur répond comme les pêcheurs, attendre toujours un ordre de l'autorité supérieure leur demanda d'appliquer cette mesure. Jean-Pierre Misago depuis la plage de pêche de Rumonge, Radio Isanganiro. Les pêcheurs opérant sur la plage de Kajaga ont également pris la décision de poursuivre leurs activités malgré la mesure de l'autorité du lac Tanganyika. Comme ceux de Rumonge au sud, ils disent ne pas avoir vu jusqu'ici une quelconque correspondance leur interdisant de travailler. Ces pêcheurs disaient par ailleurs que même si la mesure de suspendre les activités de pêche pendant 3 mois, c'est-à-dire à dater de ce lundi 15 mai, ils ne voient pas comment pouvoir faire vivre leur famille. Moïse Misago pour plus de détails. Selon ces pêcheurs, aucune communication officielle a été donnée sur la fermeture du lac Tanganyika pour 3 mois. Ces pêcheurs disent qu'ils n'ont pas été sensibilisés sur cette question, déplorent-ils. Ces derniers affirment qu'ils vont continuer leurs activités de pêche. Nous nous préparons à entrer dans le lac car l'État n'a pas encore sorti une communication qui interdit la pêche. C'est pourquoi nous avons espoir de continuer nos activités. Nous avons pris à contre-cœur la mesure de fermeture du lac Tanganyika. On a entendu dire cela. On n'a pas vu de correspondance ou une communication officielle sur la fermeture le 15 mai. Pour ce, nous continuons nos activités. Selon toujours ces pêcheurs de la plage de pêche de Kadjaga, la mise en exécution de cette mesure, c'est synonyme d'hypothéquer leur vie. Cependant, ils plaident pour la suspension de cette mesure. Nous vivons dépendamment du lac Tanganyika. En bref, toutes nos activités se font ici au lac Tanganyika. Les moyens de faire vivre nos familles proviennent de ce lac. Fermer le lac, c'est synonyme d'hypothéquer notre vie. Nous souhaitons la suspension de cette mesure. Même son de cloche pour Chiza Philippe, représentant des pêcheurs de la plage de pêche de Kadjaga. Nous avons pris cette mesure, mais nous attendons la parole de nos dirigeants, comme le président de la République et d'autres, qui peuvent nous livrer une information de continuer à pêcher. Car jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une parole pour continuer. Que le chef de l'État intervienne. Nous vivons de ce lac, la pêche est notre métier. Des commerçants de poissons qui s'approvisionnent à cette plage ne voient pas comment ils vont subvenir aux besoins de leur famille. Selon Chiza Philippe, représentant des pêcheurs de la plage de pêche de Kadjaga, plus de 2000 ménages dépendent directement des activités de pêche à cette plage. L'autorité du lac Tanganyika avait pris une mesure de fermer le lac Tanganyika pour une période de 3 mois à partir de ce 15 courant jusqu'au 15 août de l'année en cours. La hausse des prix des denrées alimentaires, le manque de matériel pour les élus collinaires, le retard dans le traitement des dossiers sont quelques-unes des questions qui ont été adressées par les habitants de la commune Naharangwa ce lundi aux 4 ministres, à savoir celui de l'Intérieur, de la Justice, des Infrastructures et de Défense. Sur la question du manque du matériel pour les élus, la ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, a répondu que cette question est en cours d'analyse et que d'ici au mois de juin, elle sera vidée. La ministre de la Justice a félicité ses élus collinaires sur la manière dont ils traitent les dossiers des citoyens qui se disent satisfaits. Et le ministre de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique met en garde les commerçants spéculateurs sur les produits paroudis que des sanctions sévères seront prises à leur égard. Lors d'une réunion avec les autorités administratives et les habitants de la commune Naharangwa à mairie de Bujumbura, soit lundi, Martin Niteletse a également déclaré que le problème des enfants en situation de rue reste une préoccupation pour le gouvernement. Un centre d'encadrement pour eux est en cours de construction dans la province de Changuzo. Les détails, c'est avec Jean-Marie Mayonga. Dans cette réunion qui a vu la participation des 4 ministres pour répondre aux doléances des citoyens de la commune Naharangwa à mairie de Bujumbura, une question en rapport avec la hausse des prix des denrées alimentaires, des produits baroudis et autres, comme les dossiers qui se trouvent dans la justice et qui ne sont pas bien traités ou qui y passent assez de temps, ont été évoqué. Le ministre Martin Niteletse, sur la question des commerçants spéculateurs des produits baroudis, a dit que des sanctions seront prises à leur intention. Aussi, il s'est exprimé sur la question, le cas des enfants en situation de rue qui sont devenus nombreux et commettent des dégâts comme le dépouillement des biens aux citoyens. À cette question, le ministre Martin Niteletse a répondu que la question des enfants en situation de rue est une préoccupation du gouvernement et qu'un centre d'encadrement est en cours de construction dans la province de Changuzo. Pour le cas des dossiers qui traînent dans la justice, ministre Domine Banyangimbona a demandé à tous citoyens de saisir les instances habilitées. Et en cas de dossier qui n'avance pas, le ministre de la Justice, Domine Banyangimbona, a demandé à tout un chacun de le signaler à temps. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'âge de la retraite pour les fonctionnaires de l'État devrait être maintenu à 65 ans et pas 60. La requête est de Gilbert Nyawakila, président de la Confédération des syndicats du Burundi, CSB. Il se réfère à la promesse du président de la République qui n'est pas encore mise en application depuis 2020, mais une promesse selon laquelle les retraités devront percevoir l'équivalent de leur dernier salaire mensuel. Il renseigne que plus de 5000 nouveaux retraités vont bientôt s'ajouter à ceux déjà existants. Suivez Gilbert Nyawakila, président de la CSB. Il peut y avoir une volonté, mais la mise en œuvre, parce qu'on n'a pas l'argent, la mesure peut ne pas être mise en œuvre. Je ne dirais pas que c'est la mauvaise foi. On nous apprend qu'on est en train d'élaborer des textes de mise en application. Mais nous disons que ça a trop duré. Quand alors on n'a pas servi sur 2020, 2021, 2022, 2023, comment on va encore arranger ces contingents qui n'ont pas encore servi et d'autres contingents qui vont partir d'ici peu. Ça veut dire, six contingents qui vont toucher même les secteurs qui jusqu'ici allaient à la retraite à 65 ans. Je veux dire ici, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Vous comprenez donc que c'est un fardeau très significatif par rapport aux finances que ce fardeau va exiger. Ma demande, elle est simple. C'est la mise en œuvre effective de l'annonce du chef de l'État qui a été enthousiasmée, accueillie. Deuxièmement, ce que la mise en œuvre, c'est déjà une loi qui est déjà là, je l'ai bien dit, doit prendre en compte toutes les dimensions qui concernent la question. Et les dimensions sont nombreuses parce que je vous dis, on prend ce qui était à 65, on ramène à 60. Cela était, ils avaient déjà des crédits, ils ont aussi des ménages. Et que cette donne soit prise en compte pour qu'effectivement la mesure ne soit pas précipitée. L'enthousiasme qui nous a caractérisé à l'annonce, ça aussi l'enthousiasme qui nous caractérise dans la mise en œuvre. Demain, il y aura 6 000 ou 5 000, 6 000 qui vont partir. Je veux dire, ceux du secteur de la santé et du secteur de l'éducation, qui étaient à 65 ans. Vous comprenez que si ça devrait toucher et tout ce monde, des mesures aussi non suffisamment pensées dans la mise en œuvre, ça va vraiment créer de remous, créer des mécontentements au niveau des ménages, au niveau des institutions bancaires, au niveau des institutions de microfinance. Vous comprenez qu'il faut que la mesure soit suffisamment étudié. Pas ceux-là même qui sont concernés. Je pense que les représentants des travailleurs devraient être suffisamment consultés avant qu'on nous renvoie les gens à la retraite. Je me réserve de dire que même la qualité au niveau de ces secteurs sera remise en cause. Quand les enseignants de 60 jusqu'à 65 ans s'en vont en une fois, autant pour les infirmiers qui s'en vont dans un coup de, je ne sais pas, au mois de juin ou au mois de juillet, et qu'on n'a pas suffisamment préparé les suivants. Vous comprenez que même la qualité des prestations dans ces secteurs va en pâtir. Un manque d'eau s'observait depuis 3 semaines dans la cellule de Mugoboka 1, quartier Mutanga Sud, en mairie de Bujumbura. Les habitants qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce lundi disent que cela perturbait leur travail quotidien. Ils expliquent qu'ils utilisent l'eau de la rivière Nahangwa et craignent d'être attaqués par les maladies des mains sales. Et de demander aux autorités habilitées de régler ce problème. Doré Bingabide pour plus de détails. Cela fait environ 3 semaines que la population de la cellule Mugoboka 1 au quartier Mutanga Sud fait face à cette situation. Ils disent qu'ils utilisent l'eau de la rivière Nahangwa et ces derniers craignent d'être attaqués par les maladies liées aux mains sales. À l'absence d'eau, ils observent des différentes maladies liées au manque d'hygiène. Quand nous venons de l'école, nous arrivons à 18h dans son cas, nous allons puiser de l'eau et on n'en trouve plus. Il arrive des moments où nous manquons d'eau à utiliser pour préparer le repas. Ça nous menace pas. Ça fait au moins 3 semaines que nous observons ce phénomène. L'eau débite temporairement. Par exemple, un certain nombre de gens ont pu puiser, mais cela n'a pas duré longtemps. Le problème est que certains habitants vont puiser. Ceux qui se sont exprimés à nos micros expliquent que ce manque d'eau bouleverse leur activité quotidienne. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver solution à ce problème. Nous demandons à la régie des eaux à trouver la solution du manque d'eau afin de lutter contre les maladies liées aux mains sales. Selon ces habitants, ce problème lié au manque d'eau à la cellule Mugoboka 1 se manifeste souvent durant la saison sèche. Sécurité pour vous dire que un prisonnier de la prison centrale de Gitega est mort vers 20h de la nuit de ce dimanche à lundi. Des sources policières à Gitega indiquent que la victime est un des 3 prisonniers qui avaient été transférés dans une cellule de correction pour perturbation de l'ordre dans cette maison de détention. Les enquêtes, jugées plus faciles par la police, sont en cours. Un homme d'un âge compris entre 25 et 30 ans a été tué par son épouse la nuit de ce dimanche à lundi au quartier Milango 2, en mairie de Bujumbura. Les voisins de la famille estimaient que l'absence de la famille à la maison à des heures avancées la nuit serait à l'origine de cet incident. Elle serait rentrée ce dimanche soir après que le mari et les enfants se soient déjà couchés, ce qui a engendré des querelles entre elle et le mari. Et voilà que ce dernier s'est retrouvé tué à coups de couteau. Omer Ndouayo. C'était vers 21h ce dimanche. Lionel Nyonguru, un chauffeur du camion qui a entre 25 et 30 ans, rentre chez lui en provenance de son service, arrivé à la maison à la 13e avenue du quartier Mirango 2 en zone Kamenge, l'endroit communément appelé Kubafaransa. Sa femme n'était pas là. Il rejoint le lit pour dormir avec les enfants. Un temps plus tard, son épouse arrive et demande au voisin si son mari a voulu savoir l'endroit où elle était partie. Aussitôt que les voisins la racontent que rien ne s'est passé, la femme entre dans la maison et ferme la porte. Lorsque le mari demande à son épouse là où elle était, la femme manque quoi répondre et demande plutôt à son mari de la laisser retourner là où elle était. Voilà ce que racontent les voisins de la victime, ajoutant que ses époux n'ont pas connu de querelles et qu'ils ne se chamaillaient pas souvent. De même que ses voisins, les membres de la coopérative Ihuriro Ryabanyamyuga, à laquelle la victime appartenait, s'inquiètent de cet incident, témoignant que Lionel était sage. Pascal Wigirimana est l'un des membres de cette coopérative. L'administration à la base avait déjà réglé certaines mésententes apparues dans cette famille lors de son arrivée à Mirango il y a 6 mois. Pascal Ndabashinze, l'un des administratifs à la base, ne comprend pas pourquoi cette famille a fini par verser du sang au lieu de saisir encore les instances habilitées comme l'avait fait auparavant pour que celles-ci les aident à résoudre leurs différends. Lionel Nyonguru, la victime, laisse derrière lui 2 enfants. Une personne a été blessée la nuit de ce dimanche à lundi sur la colline Mugozi en commune Provence Bururi par des hommes armés de couteaux. Les sources policières indiquent que 2 hommes, dont un identifié par la victime, sont dans les mains de la police depuis le matin de ce lundi. Les autorités administratives et policières à Bururi appellent la population de cette commune à dénoncer d'autres auteurs d'embuscades tendues ces derniers jours. La population demande à la justice de faire son travail pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. Zénon Zambiman. Dismas Ndairagije a été grièvement blessé à couteau au niveau de son bras gauche dans une embuscade tendue contre lui. C'était aux environs de 20h30 à quelques mètres de son domicile sur la colline Mugozi, commune et province de Bururi. Ses malfaiteurs ont pris le large après avoir volé son téléphone portable. Selon la victime, cet homme fait savoir qu'il a pu identifier un de ses malfaiteurs qui tentait de le tuer. Alerté par la population, le commissaire provincial de la police à Bururi est arrivé sur les lieux la même nuit et a vite évacué la victime à l'hôpital de Bururi, selon les sources sur place. Colonel de police Imanagaba Dieudonné fait savoir que 2 personnes, dont celle qui tentait de tuer cet homme à l'aide d'un couteau, sont dans les mains de la police à Bururi depuis le matin de ce lundi pour réseau d'enquête. Il ajoute que d'autres présumés auteurs des cas d'embuscade tendus ces derniers jours en commune de Bururi sont également dans les mains de la police, d'autres dans les mains du parquet de Bururi. De même que le gouverneur de la province de Bururi, colonel Dasmane Zamaso, et l'administrateur communal de Bururi, Félix Niongabo, au cours des réunions de sécurité organisées ces jours-ci, appellent la population de Bururi à connaître que la sécurité concerne tout le monde sans exception aucune, raison pour laquelle il faut la sauvegarder, alerter à temps encore des insécurités et dénoncer tous les auteurs de ces embuscades. La population de la commune de Bururi demande avec insistance à la justice de faire son travail pour que les auteurs de ces embuscades tendues contre les innocents soient punis conformément à la loi. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Et restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Yeah.